Itzatruk, émission créée par Anceta Irratia et le Centre social d'Enensat est financée par la Crèche, Commission régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Tu vas bien ? Oui. Voilà, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du logement sur Hendaye. Oui. Ouais, en général. Hein. Et sur la région hein, aussi. Voilà, alors t'as mené de quoi faire l'émission. Oui. Allez. Bienvenue, vous écoutez Anceta Irratia pour l'émission Itzatruk, 90.5 et 89.7. Voilà, alors aujourd'hui on est avec Frédéric et nous allons interviewer différents associations ainsi que divers témoignages pour le logement social sur Hendaye et la côte basque. Voilà, en général, les difficultés rencontrées pour toutes ces personnes qui veulent se reloger dans notre belle région. Voilà. Et des personnes qui sont ils ont un appartement mais qui recherchent plus grand et qui n'arrivent pas par rapport aux enfants. Oui, tout à fait Frédéric. Voilà, ben, ça tombe bien, on va commencer l'émission donc. Eh bien, bonjour, vous êtes toujours en direct sur Anceta Irratia avec Fabrice et Frédéric. Et de l'autre côté, nous avons Nathalie qui est derrière. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Voilà, ça va. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nos auditeurs qui nous écoutent ? Je m'appelle Nathalie, je suis d'Hendaye. Actuellement, je suis partie de Hendaye pour venir sur Châtellerault. Voilà, très bien. Donc, ancienne Hendayaise. Hein, voilà. Hein. Donc, tu es partie pour divers trucs. Donc, aujourd'hui, on va faire l'émission. Tu sais, tu es au courant. Hein, on fait l'émission sur le relogement sur Hendaye et les difficultés rencontrées. Hein. Et donc, moi, si j'ai décidé de t'appeler aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu cette expérience. oui. En tant qu'ancienne andaïaise et de chouche d'Andaï, et donc voilà, qu'elle a un peu marre de se retrouver un petit peu comme des abrutis. Donc c'est un peu pour nous aujourd'hui un coup de gueule. Voilà qu'on pousse, j'espère que tous les auditeurs vont entendre. Voilà, Frédéric, tu es là ? Oui, bonjour. Voilà, donc t'as, d'autre côté tu as Frédéric. Bonjour Nathalie. Donc, Frédéric, n'hésite pas si tu veux interrompre en même temps. Voilà, Nathalie, on va un petit peu écouter ton parcours au niveau du logement et de comment tu vois Andaï. Donc, n'hésite pas, hein, à toi la parole. On t'écoute, vas-y, Nathalie. D'accord, merci. Moi, Andaï, c'est une ville qui est hyper chère. Les gens, ils partent de Andaï justement parce qu'il n'y a pas de travail. Moi, actuellement, je suis partie de là-bas parce que j'avais que le travail saisonnier. Mon mari ne trouvait pas de travail à part travailler pour les boîtes espagnoles. Et donc, voilà, quoi, les appartements, ils sont à des prix pas possibles. Et ça fait que, du coup, les gens partent de Andaï pour essayer de trouver mieux ailleurs. D'accord. À l'origine, tu es partie donc d'Andaï par rapport à toutes ces difficultés qu'on rencontre. Voilà, parce que quand j'étais en deuil, j'étais au RMI et tout ça. Et après, par rapport à ça, en deuil, c'est beau parce qu'il y a la mer, il y a la montagne, il y a tout. Mais après, c'est le travail qu'il faut qu'il suive, quoi, parce que sans travail, on ne peut rien faire, hein, de toute façon. D'accord, et le logement avec aussi ? Voilà, le logement, les logements, c'est pareil. Pour avoir un appartement par rapport aux HLM de Bayonne, c'est pareil. Ça, il faut attendre X années avant qu'ils nous donnent un appartement et c'est quand même pas normal. Je pense qu'on est quand même, moi, en parlant de moi maintenant, j'étais quand même prioritaire avec mon mari parce que j'étais de là-haut. Et c'est pas pour ça que j'ai eu un appartement plus vite, je vivais toujours chez mes parents. D'accord, donc beaucoup de problèmes avant que tu partes et un peu de désespoir, donc tu as décidé vous avez décidé avec votre mari de quitter finalement la région définitivement. Voilà, on a décidé de partir de Andaï et après on s'est installé sur Châtellerault, on a eu du travail, on a eu un appartement. Là où j'habite actuellement, ils sont plus accueillants qu'à Andaï, ils font plus d'efforts. Alors justement Nathalie, on va en parler, justement par rapport toi qui étais andaïaise. Et maintenant, tu es sur Châtellerault, la Vienne, donc, est-ce que, par rapport au prix du logement, parce que, essentiellement, l'émission, c'est sur le logement, alors, au prix du logement, le prix de la location, tu t'aperçois vraiment qu'il y a une différence ? Ah oui, même beaucoup, hein. Moi et mon mari, on a un F5 avec deux enfants, c'est mieux qu'à Andaï, quoi, le prix, il est plus raisonnable que sur Andaï. D'accord, un écart facile. Andaï est hyper cher, le logement. Moi, il y a une époque, on a dû avoir un appartement sur Champion, dans les nouveaux appartements de Champion. D'accord, oui. Et le loyer était pas possible. C'était qu'il y avait qu'une chambre dedans, donc c'était pas possible, quoi. Trop cher. Voilà. Étant RSA, on pouvait pas venir parce qu'après il faut calculer qu'il y a les factures, il y a tout à côté, quoi. Voilà. Sans compter qu'il y a tous les frais derrière. Voilà. Et la difficulté pour y rentrer dans le logement. Donc là, je rappelle à nos auditeurs, hein, qu'on soit au RSA ou qu'on soit travailleur. Ailleurs, en ce moment, on demande beaucoup de garanties pour entrer dans les logements, en ce moment. C'est vrai. Voilà, et ça, c'est le problème actuel, surtout ici. Je dis bien ici parce que des témoignages ont été faits. Moi-même, je me suis renseigné dans différentes régions. C'est beaucoup moins difficile qu'ici. Donc voilà, alors donc aujourd'hui on pousse un petit peu ce coup de gueule. Hein, voilà, il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. C'est un peu un ras-le-bol qu'on fait. On fait valoir un peu tout ça. C'est sûr. Je comprends tout à fait, malgré que je ne suis plus en deuil. Hein. C'est un peu à cause de. C'est pour ça que nous on est partis de là-haut. Hein. Mais parce ça te manque un petit peu. En deuil te manque un petit peu quand même, non? Voilà. Ça manque, oui, quand on est d'origine d'ici. J'ai vécu toute ma jeunesse, depuis que je suis toute bébé, j'ai atterri en Andaï et tout ça. Après, au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Très bien, Nathalie. Eh bien, c'est bien, le message est bien passé, on te remercie. Écoute, on est tout à fait d'accord, c'est malheureux que nous, en tant qu'Andaïs, on soit obligés quand même de partir pour se reloger et trouver du travail ailleurs. Voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour toute la jeunesse d'Andaï et de la région qu'on est présent. Voilà. Et c'est malheureux que tu aies si loin. Voilà. Voilà, mais moi, sincèrement, j'ai plein d'amis d'Andaï qu'on a fait notre enfance avec. Et ben, le trois quarts, ils sont tous partis par rapport au travail, par rapport au logement. Il y a tout ça. Ils sont partis de Andaï, et puis maintenant, là où ils habitent, ils sont mieux parce qu'ils ont le travail, les appartements pas trop chers et tout ça, même les maisons. Même par rapport aux agences, est beaucoup moins cher vers chez nous que vers Andaï, quoi. D'accord, Nathalie, le message est passé. On te remercie beaucoup. Toute l'équipe te remercie. Frédéric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être ? Non. Du tout ? Non. Je la remercie pour ses réponses. Ben, merci, Nathalie. Et de rien. À une prochaine fois. Merci encore. Merci beaucoup et puis bon après-midi. Merci. Au revoir. Voilà, on est en direct avec donc Nathalie pour le système de relogement sur le Pays Basque, hein, essentiellement sur Andaï, sur notre commune. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça avant qu'on s'écoute un petit morceau? Et moi, c'est le contraire, parce que donc je ne suis pas d'originaire d'ici, donc voilà. Eh bien, ça serait bien que tu nous en parles, puisque tu es là. Hey, tu vas nous faire plaisir. Tiens, on va t'écouter un petit peu. On s'écoute un morceau. On se revoit après. Allez, à tout à l'heure, Frédéric. Voilà Frédéric, on va écouter un petit peu ton expérience par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Mais oui, parce que je disais que moi je n'étais pas d'ici, je n'étais pas dans la région. Ouais. Donc moi j'étais avec ma maman et quand elle a été licenciée dans une autre région, on venait souvent en vacances ici depuis que je suis tout petit. Et quand elle a pris la retraite, elle est venue sur Andaï, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, comment ça s'est un petit peu débrouillé tout ça ? Mais on a dû rester dans un camping. Moi, avant, c'était pas pareil, quoi. Nous, pendant 3 mois, on est resté dans un camping pour prouver qu'on était en deuil, quoi. Et après, on a fait une demande aux HLM. Et du fait qu'on était au camping, on en a eu plus de... C'était plus rapide parce qu'on était... le camping fermé, on serait été dans la rue, quoi. D'accord, donc assez difficile quand même à l'arrivée à l'accueil. Voilà. Un accueil très difficile quand même aussi. Voilà. Moi j'ai une question à te poser. Mais on a été aidé par le maire, mais pas celui-ci, quoi, mais il y a très longtemps. D'accord, mais c'était peut-être différent aussi à l'époque. Voilà. Et justement, par rapport à cette époque-là, à notre époque actuelle, oui. toujours dans la même commune, donc, est-ce que tu as vu une différence, toi ? Est-ce que c'est moins bien, c'est pareil, il n'y a pas de changement ? Il y a quoi ? Il y a une évolution par rapport au social ? Mais ça devient de plus en plus difficile, quoi, parce que même pour les attentes d'HLM, c'est de plus en plus dur, on attend de plus en plus longtemps, quoi. Et dans le privé, c'est pas facile non plus d'y rentrer. Voilà. Les gens, les particuliers sont de plus en plus stricts. Oui. Alors, je parle toujours en tant que soit au RSA, soit en demandeur d'emploi, soit travailleur. Hein. C'est aussi difficile l'un pour l'autre. Voilà, maintenant, le point est qu'on parle essentiellement du RSA. Mmh. Et c'est là où je mets le point dessus. On est des gens où on peut très bien avoir un loyer modéré sans aucun souci. Oui. Voilà, et ça, c'était un peu le but de l'émission. Voilà. Par rapport à mon expérience, moi aussi, je tiens à dire que suite à mes recherches d'emploi, ça a été très difficile, c'est encore très difficile. Dès qu'on recherche un appartement, on te demande, tu travailles, tu fais quoi, tu es au RSA, et dès qu'on pose... Alors, et au début, on ne dit pas qu'on est au RSA, on a un petit peu peur. Hein. Donc là, aujourd'hui, je parle, je le dis, je suis au RSA, on en parle. Et non, il ne faut pas avoir peur. On est au RSA, on n'est pas forcément des mauvais payeurs. On paye un loyer comme tout le monde, on le paye ce loyer. Donc on doit nous estimer comme un travailleur. Et un travailleur, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas plus sécurisé qu'une personne qui est au RSA. Ce n'est pas vrai de nos jours, parce que de nos jours, on peut se faire envoyer du jour au lendemain sans préavis forcément. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans salaire du jour au lendemain. Donc voilà un petit peu le point que je voulais faire, Frédéric, pour aujourd'hui. Et aussi un petit peu parler de je voudrais un peu qu'on parle. Toi, par rapport à, t'as fait des démarches de logement, tout ça ? Mais au début. Ouais, au début. Comment ça s'est passé un petit peu ? Mais c'est le maire d'Andaï qui a poussé qui a pu la demande quoi, aux HLM. D'accord. Comme mon père aussi, il était maçon, donc il travaillait, c'est lui qui construisait la plupart des immeubles sur Andaï, quoi, donc d'accord. Ça a servi aussi. Sinon, tu n'as jamais eu affaire à un particulier, un propriétaire ? Non. Non ? Non, non. Tu n'as pas connu ce genre d'expérience ? Tu t'aperçois quand même que c'est difficile par rapport à ton entourage. Aux HLM, on a eu des problèmes parce qu'il y a mon frère qui est venu sur Andaï aussi. Donc, on n'avait qu'une chambre pour trois personnes. Donc, on a dû attendre assez longtemps pour avoir notre appartement. Ouais, d'accord. Et alors, avant de mettre un petit son juste après, la dernière question que je vais te poser, c'est comment tu vois l'avenir, toi, ici ? Comment on parle toujours en général, oui. Mais essentiellement, Frédéric, et j'insiste, par rapport à la jeunesse. C'est la jeunesse qui nous intéresse. Les anciens, eux, ils ont fait leur travail. C'est à nous maintenant à suivre et à faire le reste. Mais même aussi les étudiants, je vois que ils pensent ne pas faire... ils pensent partir, quoi. Faire leurs études et partir ailleurs, quoi. Même pour les études, ils sont obligés de partir, quoi. Par rapport aux études qu'ils font, même ici, dans la région, ils sont obligés de partir à Paris... pour faire les diplômes, donc... D'accord. Et éventuellement pour le logement aussi. Ouais, le logement. Qui n'est pas évident et très cher. Voilà. Mais tout à l'heure, on va s'écouter une petite musique, Frédéric, et tout à l'heure, nous aurons en ligne justement l'association qui s'occupe un peu de tout ça. Hein. Et donc, on en reparle tout à l'heure. Voilà. Merci, Frédéric. For not to feel that pain, I hate the pain and sending my Alors bonjour, vous êtes en direct avec Fabrice pour l'émission It's a Truc de la radio Anchieta. Voilà, alors bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Voilà. Bonjour, oui, bonjour. Donc moi je suis Yannick, je suis bayonnais et je fais partie des indignés de Bayonne qui occupent la place Chao Pelletier sur le petit Bayonne. D'accord. Est-ce qu'on peut un peu vous présenter par rapport à vos mouvements déjà que vous faites? Bon, le mouvement, en gros, c'est suite aux contestations qui sont arrivées aussi bien d'Afrique du Nord que d'Espagne. Et donc, c'est pas les mêmes revendications, mais c'est quand même un ras-le-bol général de la société, aussi bien politique, économique, écologique. Enfin, c'est un ras-le-bol général. Et notre manière à nous de nous faire entendre, c'est maintenant descendre dans la rue et occuper la rue et travailler ensemble à des alternatives sans étiquette. C'est-à-dire que c'est chaque citoyen qui vient en s'entreprenant donner son avis pour construire une démocratie un peu plus démocratique. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, le but est de parler du logement pour se reloger. Donc en général, qu'on soit travailleur, RSA ou SDF, surtout SDF aussi. Donc si on peut parler un peu de tout ça, parce qu'ici il y a aussi un peu de ras-le-bol des difficultés qu'on trouve pour se reloger. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça en fait? Ah ben, le problème du logement m'indigne, c'est pour ça que je suis indigné. C'est pas normal actuellement qu'il y ait autant de logements vides partout, aussi bien en Dail qu'à Bayonne, que partout en France et en Europe et même dans le monde, et qu'il y ait en même temps autant de logements vides et autant de personnes dans la rue qui attendent d'avoir un logement. Donc ça nous indigne. Voilà. Voilà, tout à fait. Et par rapport aux tarifs aussi des logements qui sont assez élevés ici, essentiellement sur la côte basque, essentiellement sur la commune d'Andaye, où on trouve des difficultés énormes pour se reloger, on nous montre du doigt sous prétexte qu'on est au RSA. Ça je le précise parce que je suis passé par là et donc il faut le dire, voilà. Il faut le dire, donc il y en a un ras-le-bol. Voilà. Vous êtes sur quelle commune en général là? Bayonne. Par rapport à Andaye, vous avez ressenti, vous, quelque chose d'une différence? Oui, bah, c'est assez différent et dans le contexte, c'est pareil. C'est-à-dire que Andaye est une ville très touristique, donc je suppose qu'il doit y avoir beaucoup aussi de maisons secondaires, des maisons pas habitées toute l'année, et sûrement que les loyers doivent être... très très cher vu la situation. Beaucoup trop de logements. Excusez-moi, beaucoup trop de logements inhabités sur Andaye. Oui, voilà. Beaucoup trop. Il y en a beaucoup aussi, voilà, mais pareil qu'ici, même peut-être plus qu'à Bayonne, c'est sûr. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous remercie. Et Frédéric, tu vas prendre la parole. J'ai Frédéric derrière qui veut vous poser quelques questions. D'accord. Rapport au... Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, par rapport au... Dans votre camp, il y a plusieurs personnes qui viennent. Oui. Que ce soit des entrepreneurs de tout le monde, non, même des SDF. Oui. Vous avez, à ce sujet-là, est-ce que vous trouvez des solutions pour les reloger? Alors, oui, pardon. Sûrement, tu veux dire au niveau du social, quels sont les mouvements qui sont... Qu'est-ce qui est fait pour aider ces gens-là? Voilà. Oui. Alors, en ce moment, bon, nous, notre mouvement, il n'a qu'un mois, donc on se structure petit à petit. Donc le logement, ça fait partie de nos principales luttes. Donc en ce moment, sur du concret, on est sur deux personnes, dont une personne handicapée qui voudrait un logement. Donc en ce moment, on a deux personnes avec qui on lutte tous les jours parce que toutes les associations, le CCAS, enfin toutes les instances qui nous redirigent d'un bureau à l'autre ne font pas avancer les choses. Donc nous, on est dans cette démarche bureaucratique très lente qui fait tout pour pas avancer, pour pas trouver de solution. Donc nous, on s'occupe de ces personnes-là. Et ensuite, dès demain, on commence un groupe de travail par rapport à ce problème de logement. Donc on va à la fois voir toutes les personnes sur le village qui voudraient un logement et qui n'en ont pas, parce qu'il y a pas mal de sans-abri et aussi de gens en RSA qui ont trouvé un moyen de passer du bon temps avec nous. Et ensuite, eh bien, on va agir sur la municipalité de Bayonne et aussi peut-être en dehors pour pour montrer du doigt tous les appartements qui sont inoccupés, et aussi pour montrer que les prix sont exorbitants et qu'il faudra voir que sûrement de la même manière qu'en Daï, Bayonne ne respecte pas la loi par rapport à ce qui devrait être fait. Ils préfèrent payer les amendes plutôt que de donner un taux plus important de logement social. Voilà. Bon, je te remercie pour ces réponses. De rien. Voilà, et donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire alors par rapport au RSA, de pas se démoraliser, de garder espoir. Ah oui, toujours. Nous, on est indignés. Par contre, on garde espoir. C'est pour ça qu'on a pris la rue. La vie, elle est pas facile, mais la vie doit être belle. Et il faut se soutenir, se serrer les coudes, et on va y arriver à créer une société plus juste. Voilà. Se battre, parce que ce qui est dommage, ce que je regrette, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on crée cette émission et que j'ai décidé de faire cette émission, c'est pour justement parce que les jeunes andaillés, les jeunes du Pays Basque sont là et ils partent, ils fuient ici. Ici ça fuit, oui. Parce que c'est trop cher, alors les gens ils partent. On a des tonnes d'amis et ces amis-là, ils quittent la région par rapport parce qu'on ne trouve pas de logement, on ne trouve pas du travail, on ne trouve rien. Ça va pas. Oui. Il y a un truc qui ne va pas, et là je crois que les jeunes, c'est à nous à prendre le relais, c'est à nous à se manifester, et c'est à nous à se faire entendre. Tout à fait, hein. C'est maintenant, là, en ce moment, encore plus dans le contexte politique actuel qui fait que dans un an des élections, c'est maintenant qu'il faut se faire entendre, il ne faut pas attendre l'année prochaine, il faut commencer dès maintenant. Voilà, là c'est l'été, l'été pour les gens qui n'ont pas de logement, c'est le sans-abri, c'est aussi dur que l'hiver, c'est différent, mais c'est aussi dur, ils se sentent seuls, ils n'ont qu'une association d'aide, voilà, il faut... C'est tout le temps que c'est dur pour ces gens-là, aussi bien ceux qui ont le RSA que ceux qui n'ont rien du tout. Et voilà, la lutte c'est tous les jours, et nous on tente de s'y mettre, d'interpeller les politiques qui font semblant d'agir, qui sont incompétents, il faut le dire. Better left. Et bien voilà, nous sommes toujours en direct avec Fabrice et Frédéric. Bonjour Frédéric, toujours présent. Oui, toujours. T'es toujours là avec nous. Voilà, donc après avoir interrogé l'association, l'organisme des indignés de Bayonne, nous allons ici par téléphone, nous avons un responsable de l'information jeunesse d'Andaï. Point information jeunesse d'Andaï. Voilà, point information jeunesse d'Andaï. Donc, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc si... on va se faire une petite présentation vite fait. Donc, on est sur le thème du logement. Oui. Voilà, donc c'est pour l'émission It's a Truc, pour la radio Anceta Iratia. Merci de nous avoir accueillis. Ben, je vous laisse vous présenter. Oui, merci à vous, hein. Déjà, en premier lieu, donc Gérard Poveda, du bureau information jeunesse d'Andaï. Oui. Voilà, donc je vous remercie de nous inviter à Itza Truc. Pour Anceta, voilà l'émission à la radio Anceta. C'est pour nous un plaisir. Et donc voilà, nous, en début d'émission, on a parlé un peu du système du logement à Andaï. Essentiellement, bon, ça ne cible pas forcément Andaï, mais la région essentiellement. Et tout à l'heure, on a eu l'organisme Les Indignés de Bayonne qui se sont très bien présentés. Et voilà, mais aujourd'hui, de suite, on va donc avoir avec vous un petit peu ce qui est. Parce que vous voyez quand même pas mal de jeunes, de mouvements dans votre organisme. Oui, il est vrai que le bureau information jeunesse est souvent la dernière porte qui est utilisée une fois que les gens ont essayé toutes les autres pistes de logement. Hein. Alors, c'est vrai qu'on voit la plupart des jeunes qui sont toujours en situation de recherche de logement, mais au-delà même de la recherche de logement, c'est souvent la difficulté aussi de trouver un rapport de coût de logement qui puisse correspondre à leurs moyens aussi, quoi. Donc il y a la rareté du logement vis-à-vis des jeunes, mais il y a aussi le coût qui est souvent assez important par rapport à leurs ressources ou leurs non-ressources aussi, quoi. D'accord, donc beaucoup de personnes, essentiellement des jeunes, donc des non-travailleurs. Non, pas forcément. On a aussi affaire à des gens qui sont en travail, alors soit parce qu'ils alternent période de travail, de non-travail, etc. Donc des situations qui ne sont pas non plus relativement stables, et c'est là où ça pose aussi parfois souvent des problèmes pour eux, quoi. Des saisonniers, par exemple, et des intérimaires. Oui, voilà. Alors, en plus, vient se rajouter par-dessus le fait qu'on est dans une station balnéaire, donc avec de l'emploi saisonnier et des gens qui veulent venir y travailler ou qui trouvent des contrats de travail, mais qui ont du mal à trouver du logement l'été, oui. Encore un problème qui vient de se rajouter à la tension du logement, oui. D'accord. Moi j'ai une question essentiellement, parce que les jeunes d'Andaï, je sais pas si ça ils passent beaucoup dans vos bureaux, mais qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Ils se démoralisent, ils veulent quitter la région, ils veulent y rester, ils persistent, ou alors tout simplement ils lâchent l'affaire et ils quittent Andaï? Il y a tous les cas de figure, hein, je dirais. Hein. C'est vrai que là, pour certains, c'est souvent d'autres régions, d'autres lieux qui sont moins chers, qui leur permettront, s'ils ne sont pas liés à l'emploi, c'est sûr que certains soit restent ce que j'appellerais tanguis, hein, par nécessité, restent dans la famille ou chez des amis, n'accèdent pas au logement autonome, ou alors ils vont sur d'autres régions qui sont moins chères, parce que c'est vrai que le logement est assez assez cher ici par rapport à des petits salaires. Donc certains effectivement vont sur d'autres villes où ils peuvent trouver des logements même de moins bonne qualité, je dirais, hein, oui. Dans des centres-villes de villes pas très confortables, mais au moins ils ont quelque chose. Ça, c'est sûr. Des logements à des prix plus accessibles. Des logements à des prix plus accessibles, oui. Ça, il y en a certains qui vont vers d'autres villes pour ça, oui. Voilà, ça c'est. Ça, c'est à 90% des cas ou c'est... Difficile d'évaluer parce que certains le font déjà directement sans que nous on le sache, on le voit, parce que c'est vrai que le fait de demander par exemple des HLM, certains n'osent même pas le demander tellement ils pensent que c'est inaccessible, que ça mettra tellement de temps que pour eux c'est pas une solution rapide. Peut-être à tort, mais c'est sûr qu'ils ne font peut-être pas partie, en tout cas il semble qu'eux ne font peut-être pas partie du public prioritaire, quoi. Donc ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Voilà, oui. Alors c'est vrai que la plupart trouvent effectivement les loyers excessivement chers sur le secteur, oui. D'accord. Et pour conclure, qu'est-ce que vous apportez donc actuellement maintenant, parce que quand même vous êtes là, et c'est bien d'en parler, c'est bien de se faire entendre, de se faire connaître. Et vous, qu'est-ce que vous apportez à l'heure d'aujourd'hui, ces jeunes qui viennent vous trouver justement avec un peu de désespoir, soit pour un travail, essentiellement pour le logement bien sûr aussi? Alors en ce qui concerne le logement, ce qui est difficile pour nous, c'est que on n'est pas dans le logement annuel. Hein, donc les gens qui ont un besoin de logement annuel, pour eux, on ne pourra pas grand-chose. Hein. Ça, c'est... Malheureusement. Malheureusement. C'est là où est le problème sur Hendaye. Hein. Ouais, c'est la question de l'offre et de la demande, quoi. Hein. C'est vrai que c'est assez excessif, assez cher, que c'est très. Donc nous, on peut pas sortir des logements pas chers, abordables pour eux. Ça, c'est sûr. C'est pas notre rôle et c'est pas nous qui pouvons intervenir à ce niveau-là. Par contre. Là où on intervient un peu plus, c'est sur le logement, un peu plus temporaire, quoi. Soit pour des stagiaires, soit pour des périodes qui sont hors vacances d'été, quoi. Parce que là, on essaie et pour des stagiaires et pour des gens qui viennent occasionnellement de trouver des possibilités de logement, à la semaine, au mois, sur 2 mois. C'est difficile. Moi, j'encourage d'ailleurs les propriétaires de logements à nous contacter, à essayer de mettre à disposition des jeunes les logements qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Hein, même si c'est en dehors de la saison, au contraire, on a des demandes en tout genre. Hein, de gens qui viennent soit pour y travailler, soit pour y faire des stages, soit pour des formations. Oui. Il y a d'ailleurs une initiative qui est en train de se mettre en place par la région Aquitaine qui va dans ce sens-là, hein, une opération qui consiste à trouver de l'hébergement en chambre chez les particuliers. Alors pour les jeunes qui sont en formation ou en stage, apprenti... Un nouveau système donc qui se met en place. Oui, parce que c'est vrai qu'en Aquitaine, nous particulièrement, mais aussi d'autres villes, on se soucie, quoi, d'essayer au moins de faire en sorte que les gens qui ont des possibilités d'hébergement puissent les mettre à disposition des apprentis, stagiaires. Ça bénéficie à la fois aux propriétaires et à la fois aux jeunes. Voilà, je pense que chacun peut s'y retrouver dans cette situation. Là, cette initiative qui est en train de mettre en place la région Aquitaine, elle s'intitule Un de toi. Un de toi, oui. D'accord. Un de toi. Voilà, et l'objectif, c'est de faciliter l'accès au logement pour les jeunes, sur des durées variables. Et ça peut aller de la nuitée, la semaine, le mois, des courts séjours, des longs séjours, fractionnés. Enfin, c'est quelque chose d'assez souple parce que il n'y a que dans ce genre de situation. Donc ça, c'est tout nouveau, donc, et ça vient de se mettre en place, ou ça va se mettre en place? Oui, c'est en train de se mettre en place, oui. Ça, d'accord. C'est le CIRES Aquitaine, qui est un organisme lié au logement, qui est chargé de mettre cette action en place. Voilà, et dans chaque ville, les gens peuvent tout à fait se faire connaître. Bon, on peut passer par le bureau information jeunesse s'ils veulent les coordonnées du CIRES. D'accord. si les personnes sont intéressées, ça peut dépanner des jeunes. Je crois que c'est bon de le savoir. Ou des étudiants qui sont de passage. Oui, bien sûr, pour tout type de d'hébergement. Et de, ouais. D'accord. Et il y a aussi un système par rapport aux étudiants pour les personnes âgées qui veulent. Voilà, alors il y a aussi bien sûr d'autres dispositifs qui existent, qui sont un peu du même genre, hein, c'est en contrepartie d'une présence. Oui, personnes âgées, oui, en contrepartie d'une présence, la possibilité de mettre à disposition du jeune, souvent étudiant ou autre, ou en formation professionnelle, un logement, une chambre. Ouais, une chambre, une chambre à disposition, âgée. Donc. Oui, à disposition, oui, oui. Donc ça, c'est, il existe différentes petites possibilités comme ça qui peuvent tout à fait se mettre en place. Hein. C'est vrai qu'on connaît des régions où c'est beaucoup plus développé, mais bon, l'intérêt c'est que ça se mette en place aussi ici, parce que ça permet de décoincer en partie ces problèmes de logement. Ça n'a pas les remplacer, mais disons que pour certains, ça peut être une bouée à un moment donné, quoi. De leur passage vers le logement ou... Donc ça c'est disons plutôt accessible pour les jeunes travailleurs ou les étudiants. Oui. On va dire, mais... Ou les personnes qui ne sont pas forcément en couple non plus, quoi. C'est vrai que, voilà, ça c'est... Et alors, pour les gens qui sont maintenant au RSA, ces familles-là, hein, ces familles qui sont ici et qui sont au RSA, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à eux-là? Ces gens qui veulent se reloger et qui... qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens? C'est là la question. Et c'est là où nous, on n'intervient pas beaucoup. Pas forcément, d'abord, mais... Non, d'abord parce que ils ont... Mais qu'est-ce qu'on peut dire, alors? On n'intervient pas, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut en dire quoi? On peut trouver une solution pour éviter, justement, pour ces jeunes... Ben, on va parler d'Andaï, puisqu'on est d'Andaï, ces jeunes d'Andaï ne partent pas, pour qu'ils puissent rester. Ou les encourager, du moins, à rester. Alors oui, là, je pense qu'il n'y a que qu'une mise en place, ce qui est en train de se faire, mais à mon sens, qui n'est peut-être pas non plus à la hauteur de l'enjeu. Hein, c'est difficile. À mon sens, il n'y a que des politiques publiques qui peuvent compenser le déficit de l'organisation actuelle, quoi. Hein, c'est sûr que si on est dans un secteur où le loyer est relativement cher, je vois mal quelqu'un, sinon la puissance publique, rétablir un peu la situation. Hein, et je pense que là, le gros souci, c'est de savoir qui peut agir, parce que là, j'ai l'impression que souvent, les organismes se renvoient la balle. La mairie ne peut pas tout faire, la communauté de communes non plus, les organismes HLM non plus, mais je pense que c'est de l'ensemble de l'entente de tout le monde qu'on trouvera certainement le chemin le plus rapide. Mais le souci, c'est qu'on est face à une forte demande. On est face à une forte demande. Je pense pas que par ailleurs une politique de construction de logements puisse amener rapidement à une situation là, dans les mois à venir, quoi. Là aussi, le manque de confiance de la part des propriétaires, quand même, un petit peu. Nous, on peut le ressentir comme ça. Nous, on le ressent comme ça. Étant de l'autre côté, au RSA, on ressent que... Ben, dis qu'on te montre du doigt, toi t'es au RSA, je suis désolé, il y a peut-être d'autres personnes avant toi, je vais voir, j'ai d'autres rendez-vous. Vous voyez, de suite, c'est toujours le même discours. Oui, c'est sûr que le propriétaire ou le professionnel qui va traiter pour le propriétaire, il cherche souvent le maximum de garanties pour pouvoir... pour être sûr d'avoir son logement qui soit payé. Ça c'est légitime. Le souci qu'il peut y avoir, c'est comment on peut faire en sorte que les personnes qui sont dans une situation ou provisoirement en difficulté d'emploi ou même familiale ou autre, puissent accéder aussi à ce même type de logement. Donc là, qui se porte caution, comment peut se passer... Il y a beaucoup à dire encore, hein. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. On vous remercie. Ce qui est difficile, c'est que c'est le problème de l'offre et de la demande. Donc, si on a beaucoup, on a très peu de possibilités de logement avec une forte demande, c'est sûr que les choix sont assez vite faits. Ils se porteront sur ceux qui amènent le plus de garanties. Ça, faut se mettre à la place. Je veux quand même rajouter. C'est précis, parce que d'accord, c'est ceux qui emmènent le plus de garanties qui passent en priorité, mais les RSA. Le RSA ne veut pas dire mauvais payeur. Ah non, tout à fait. Non, mais j'ai actuellement un loyer de 580 euros. Je touche un RSA pour 3 personnes et je ne suis pas mauvais payeur, je paye mon loyer tous les mois. Mais autant prévu. Oui. Mais si vous voulez, c'est là où, à mon sens, il y a quand même des politiques publiques qui permettent d'accompagner les gens qui sont dans ce genre de C'est malheureux que je dois quitter Hendaï. Non, mais j'espère pas quitter Hendaï, mais c'est malheureux que je dois le faire pour me reloger. Non, j'ai calculé. Pour vous, que vous n'allez pas quitter Hendaï. Nous, on a fait un petit peu des recherches dans un département voisin. C'est 150 à 200 euros moins cher pour la même superficie, le même appartement. Oui, bien sûr. Oui. Et les gens nous accueillent. On se présente de la même façon. Nous sommes au RSA, nous recherchons un appartement. Et vous verrez que la réponse n'est pas la même. Non, justement. Je pense que la situation, elle est liée à ça. Elle est liée au fait de l'offre et de la demande. Je pense qu'ils auront peut-être plus de possibilités de logement proportionnellement qu'ici. Donc la relation, elle est moins déséquilibrée. On est dans une relation peut-être un peu plus équilibrée, oui, entre le propriétaire et celui qui cherche du logement, quoi. Voilà, je crois que le message est passé, donc il y a beaucoup encore à dire, je pense. C'est pour ça que je pense que c'est une politique publique qui ne pourrait permettre que de rétablir, qui est la seule, à mon sens, possibilité pour réorganiser ce déséquilibre-là. Dans les zones qui sont tendues comme ça, ce n'est pas pour rien, et c'est la puissance publique, en fait, qui doit rétablir la situation pour ceux qui sont les plus en difficulté, pour ceux qui ont des difficultés, ou si... Les propriétaires pensent qu'il y a un problème ou qu'il pourrait y en avoir un. Rien ne peut venir que de la puissance publique, quoi. D'accord. Je vois mal quelqu'un d'autre le faire. Ou alors vraiment un gros mouvement associatif, mais je pense que c'est trop. Peut-être vaste, un petit peu aux jeunes, un peu plus à se manifester, peut-être. Ben, je pense que tout qu'ils restent un petit peu dans l'ombre, qu'ils n'osent pas justement faire ce qu'on fait là actuel. Tout le monde semble conscient de la situation. Maintenant, reste à savoir qui se met autour d'une table et qui négocie quoi. Mais je pense qu'il y a quand même urgence en la matière, pas seulement que sur Hendaï, sur général. En général, mais ça vaut aussi sur d'autres villes où les gens, je pense à Paris ou même des grandes villes, oui. où les gens ne peuvent même plus accéder dans les centres-villes. Dans certaines zones, quoi, dans certains quartiers, certaines villes, je crois que le logement est devenu un problème très de sectorisation des gens. Hein. Des gens. On vous remercie beaucoup. Voilà, on va mettre. Merci Gérard. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci pour votre émission. On vous souhaite bonne continuation et à très bientôt donc pour l'information point jeunesse. Bureau information jeunesse. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bonne continuation sur Hendaï. Sur Hendaï, bien sûr. Au rendez-vous. Bien sûr. Merci. Au revoir. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Donc voilà, beaucoup de difficultés à se reloger. Qu'on espère que ça change. Qu'on espère que ça change, qu'on reste solidaire à Hendaye, hein, tout le monde. Voilà. Le but étant pas de fuir, mais d'améliorer la situation et d'encourager un peu ces gens qui sont donc en guillemets au RSA, derrière, travailleurs, tout ce qu'on voudra. Il y a la force de convaincre un peu ça. Portes se referment une fois, deux fois. Et pour ceux qui s'occupent du logement, qu'ils ont espoir que ça change. Voilà, tout à fait, Frédéric. On te remercie. On n'oublie pas, pendant juillet-août, il n'y a pas d'émission. C'est bien ça ? Voilà. Tu me le confirmes ? Et les vacanciers viendront et nous, on partira en vacances. Voilà. D'ailleurs, tu vas pas en vacances, toi ? Si, si. Ah oui ? Ben, les bonnes vacances alors, hein, on leur souhaite un bonne vacances. Donc on se retrouve à une date en septembre. Septembre, oui. Début septembre, hein. Oui. Premier jeudi. Jeudi du mois, de 14h à 15h, si ça ne change pas non plus. Non, ça ne changera pas, je pense pas. On se retrouve donc en septembre. Merci. Et on remercie Mickaël pour la technique et pour son soutien. Notre ami Mickaël, oui, tout à fait. Merci, Mickaël. chérie, je t'ai perdue en moi. C'est le vent et le froid qui m'ont volé l'amour.